Sissi, c'est à son tour de se faire sucer. Farajnikov, l'aigle de Carthage, Tunisie, ALKPOTE, pour mon Tounsi, sucez-le bien cette fois-ci. MC Testa, teste pas, rêve pas, c'est bestial. 16 balles qui te laissent pâle sur ton piédestal. Mespace, Aspa, posé comme un rasta, billet sale et pasta, retour à la caspa. Non, me les casse pas, touche pas à mon castal, enfile ton barbal, je suis un engin spatial, en direct de Bagdad, ici l'aigle de Carthage, mais les raids pas dans le cartable et garde le sens du partage. Rapide dans les affaires, faux s'écart sans les artères. Les faux s'écartent, laissez-moi faire ces faux s'écartent dans les artères. Waouh waouh waouh, yippie oh, yippie. Vas-y crache le billet, avant que je te fasse roupiller. Un jour t'es hal, demain t'es dead, dès que t'as la maille, efface tes têtes. Voilà un son qui casse tes têtes, c'est pas de la caille pour se passer des miettes. Pétain ça va, les traces te viennent, y'aura ni balle ni valse de vienne. On a la dalle, on se passe de yen, quand on voit ce que les sables deviennent. On aime quand c'est violent, on pente quand c'est violent. On mitraille l'instru, c'est la rue qu'on a dans le sang. La rage qui tient le volant, fais qu'au personnage violent. Qu'est-ce que tu veux mon grand, c'est la rue qu'on a dans le sang. On aime quand c'est violent, on pente quand c'est violent. On mitraille l'instru, c'est la rue qu'on a dans le sang. La rage qui tient le volant, fais qu'au personnage violent. Qu'est-ce que tu veux mon grand, c'est la rue qu'on a dans le sang. Bonjour, de la rue mon coco, ici le chien crado, nommé FRKO. Elle a la rage du bitume, la sauce de dingo. Encore un son bad, violent pour les frelots. Après avoir pété de taille à 40 degrés, les nerfs dans les gencives, on crache notre vraie personnalité. Y'a quelques trucs dans cette vie qui nous ont dégoûtés. Alors maintenant, attention, rap envoûté. Dans tous les domaines, ça pue le paria. Parle pas à côté de moi ou je t'envoie la laine Bavaria. On a beaucoup trop d'anecdotes sur les tarbailles. Parmi toutes sortes d'espèces, les ch'tards en font les rois. Des bavures policières, y'en a dans tous les quartiers qui soient pavillonnaires ou défavorisés. Et c'est Madame Matraque qui essaye de nous baiser. Faut pas croire qu'ils sont là pour garder la paix. On aime quand c'est violent, on pente quand c'est violent. On mitraille l'instru, c'est la rue qu'on a dans le sang. La rage qui tient le volant, fais qu'au personnage violent. Qu'est-ce que tu veux mon grand, c'est la rue qu'on a dans le sang. On aime quand c'est violent, on pente quand c'est violent. On mitraille l'instru, c'est la rue qu'on a dans le sang. La rage qui tient le volant, fais qu'au personnage violent. Qu'est-ce que tu veux mon grand, c'est la rue qu'on a dans le sang. Violent, violent, violent. Y'a qu'une équipe à bord, elle cause des néochromatismes. Farajnikov, elle est dangereuse comme un sirop actif.